France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 108. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrées par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 17 février 2008, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Philippe Bouvard ou juste Pécuchet. Tu es un gros cornichon ou une belle andouille. Tu es bien heureux au royaume des cieux. Tu es rentemplant sur les traces d'Avrel. Tu es trop bon, trop con. Et tu es aussi... Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre les talons. Il serait assez, bon. Oui, tu l'auras compris, l'ami, ce matin, tu n'as inventé ni l'eau tiède, ni la machine à courber les bananes. Tu es débile. Alors, dans une tribune publiée jeudi dernier dans le Figaro, Pierre Lellouche, député UMP, déclarait craindre le retour de la droite la plus bête du monde face à l'épidémie de candidatures dissidentes dans le camp présidentiel pour les élections municipales. Non. Tu crois ? La droite la plus idiote du monde ? C'est un peu excessif quand même. Enfin, pour préciser justement ce qu'est réellement la bêtise, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de consacrer une émission à la connerie. Et pour amorcer notre immersion dans l'idiotie de Charles Le Foll à Tristan Tzara, nous allons essayer ensemble de définir les relations ambiguës qu'entretiennent la bêtise et le pouvoir. Ensuite, durant quelques minutes, nous découvrirons, contrairement aux idées reçues, que le merveilleux monde de la télévision demeure aujourd'hui un rempart contre la connerie. Et dans la foulée, nous constaterons justement que l'avènement de la télé-réalité a engendré une génération d'analystes politiques brillantissimes. Et puis, nous nous rendrons dans un petit village de France qui vit une étrange campagne électorale à proximité du Bois de Boulogne, la célèbre fête à Neuneu, bien sûr. Et enfin, nous partirons à la découverte de la fabuleuse jeunesse du Jean-Claude, pour qui « âge con » a été bien plus qu'une simple expression. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien, et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et mange du foin. Red door and I want it painted black. No colors Painted Black, autrement dit peint là en noir, c'est le jeu rock'n'roll que nous proposaient en 1966 les facétieux Rolling Stones. Mais c'est aussi le jeu débile à base de cirage qu'on pratiquait dans les casernes pour les bizutages. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Bon, alors ce matin, autant le dire tout de suite, la panique au Mangin Palace est très à son aise, puisqu'elle explore un océan dans lequel elle adore se plonger, à savoir la bêtise humaine. Par définition, la bêtise, c'est le manque d'intelligence. Donc en parler, c'est compliqué, puisque l'on juge la sottise d'autrui à l'aune de sa propre intelligence, ou plutôt de sa propre sottise. De plus, la stupidité de nos contemporains n'est en aucun cas un obstacle à leur qualité humaine. Il est tout à fait possible d'être très con, hyper sympathique et drôle à la fois. Tiens, regarde-nous par exemple. En revanche, le manque d'intelligence devient réellement handicapant lorsqu'il caractérise ceux qui cherchent à dominer. Mais attention, parfois, la perte du sens commun, c'est la conséquence d'une maladie, comme ce fut le cas à la fin de son règne pour le roi Charles VI au XVe siècle. C'était grande pitié de la maladie du roi. Lorsqu'il était en frénésie, il commettait toutes sortes d'extravagances, tremblait et criait, comme s'il eût été piqué de 1000 pointes de fer, et se disait poursuivi par ses ennemis, épuisant souvent ses forces à courir çà et là. Il mangeait goulûment et malproprement. Il lui arrivait de rester 5 mois sans changer de linge, ni prendre de bain, ni même se laisser raser. La crasse, produite par des sueurs fétides, faisait venir des pustules sur plusieurs parties de son corps. En ces moments, il s'imaginait être en verre, défendait qu'on le touchât et se bardait d'attelle, craignant de se briser en tombant. Ainsi Charles VI, dit Charles le Fol, tout comme George III au Royaume-Uni ou le président Paul Deschanel, font partie de ces hommes de pouvoir qui ont perdu la raison. Non pas à cause de l'ivresse du pouvoir, mais suite à leurs troubles mentaux. En revanche, chez les petites gens, paraître intelligent n'a jamais été vraiment un avantage. Être trop futé, c'est être dangereux. D'ailleurs, à bien y regarder, c'est parfois par l'apparence de la débilité que tu réussis à être subversif. Tristan Tzara, si je vous demande « qu'est-ce que Dada ?», que me répondrez-vous ? Dada échappe à toute définition. En gros, il fut un mouvement subversif d'idées commun à une certaine jeunesse pendant la Première Guerre. Il a heurté de front les conventions, les idées toutes faites et les prétentions de l'époque. Il était né du dégoût de la guerre et de la révolte contre un état de choses particulièrement hypocrite et odieux. Abolition de la mémoire, dada. Abolition de l'archéologie, dada. Abolition des prophètes, dada. Abolition du futur, dada. Ainsi donc, contester le pouvoir en jouant de la bêtise peut s'avérer efficace. Mais attention, point trop n'en faut. Car chez nos amis les puissants, il est nécessaire de se montrer épargné par cette bêtise. Mais hélas, parfois, une simple faute d'inattention et tu ramasses dans ta face. Les soviétiques enfoncent le clou après la gaffe du président Reagan se laissant aller à bannir l'URSS pour toujours lors d'un essai de voix radiophonique. Avant-hier, l'agence TASS parlait seulement d'attitude irresponsable du chef de la Maison-Blanche. Le Kremlin est allé plus loin hier. À Moscou, le correspondant de l'agence France Presse, Pierre Le Petit. L'essai de voix du président américain n'est que l'écho de la politique agressive de la Maison-Blanche vis-à-vis de l'URSS, affirmé hier le journal gouvernemental Les Izvestia. La Pravda d'hier également avait qualifié la gaffe américaine de plaisanterie nucléaire. Par malheur sur Terre, les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils agitent, ils s'excitent, ils emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Voilà, les crétins sectaires emmerdent effectivement tout le monde. C'est pourquoi, quand tu es président de la République, et que tu sens que ton peuple en a marre de ton ami l'énarque, le meilleur d'entre nous, toujours droit dans ses bottes, tu peux choisir alors comme premier ministre un homme dont l'image rassurante endort la méfiance à coups de raffarinade. On m'appelle Simplet, l'innocent du village, doux comme un agnelet, je mène la vie d'un sage, chantant gaiement, moi je vis de l'air du temps. Je dois tout ça au conseil de mon papa. Je garde son secret, c'est mon seul héritage. mon bonheur est complet. On m'appelle Simplet. Et voilà, parfois paraître Simplet, quand tu es un homme politique, ça te permet d'endormir la méfiance de tes opposants. Mais ça ne t'empêche pas de détruire deux ou trois acquis sociaux en passant. À vrai dire, le cas est rare. La plupart de nos dirigeants cherchent à s'imposer par leur intelligence en cumulant les signes distinctifs de la non-stupidité. Lycée Janson-Neuchâtel, Hippocagne, Normale Sup, agrégation de lettres, Sciences Po, ENA, puis la tête et les jambes, et tout ça pour finir en Fafa l'écureuil. Quand Laurent Fabius parle aux enfants, et surtout parle avec eux de Fafa l'écureuil, eh bien voilà ce que ça donne. Tu regardes pas la télé ? Si. Le Cocorico Boy, tu... Si. Bon, eh ben, y a un petit écureuil comme ça. Tu connais, non ? L'écureuil. Ouais. Eh ben c'est moi. Comme il y a Kermit, comme il y a Barzy, Fafa l'écureuil, c'est moi. L'écureuil se porte bien, vous trouvez, dans le Babette Show ? Non, pas très bien, parce qu'ils n'ont pas su imiter ma voix. Et puis, j'ai quand même beaucoup plus de cheveux que Fafa l'écureuil. Et voilà, tu as beau être bardé de diplômes, tu peux être ridiculisé en écureuil chauve. Car on te l'a dit, il est difficile de mesurer la bêtise des autres, puisque pour le faire, nous ne disposons que de nos propres capacités mentales. Surtout que l'intelligence d'un être humain, et donc d'un dirigeant politique, ce n'est pas une donnée constante. Tiens, par exemple, même si d'habitude il maîtrise toujours tout, parfois dans certaines situations ou confronté à une autre intelligence, l'animal politique peut être complètement troublé dans son discernement. Alors hier soir, je rencontre une Italienne. Alors moi, ni une ni deux, je lui offre un verre. On discute des heures. Et puis je lui dis, viens continuer à la maison. Alors j'attaque. Et alors là, je lui fais la position du poulpe. Le poulpe, c'est un truc que je connais bien, c'est-à-dire qu'elle écarte les cuisses. Non, c'est moi tout d'abord qui m'insinue. Non, c'est elle. Non, c'est pas elle, putain. C'est-à-dire, elle se cambre d'abord et elle s'écarte après, c'est pas ? Ah non, c'est ça. C'est moi qui me mets contre elle et en la cambrant, en la remontant. Oui, mais alors ça marche pas si... Ah, si j'avais un polaroïde. Ah, si j'avais surtout l'idée de tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de prendre les décisions et de donner des réponses qui nous dressent sans cesse les uns contre les autres. Eh oui, quand on a de lourdes responsabilités, il faut savoir répondre à des questions qui parfois mettent en colère. Mais la panique, toujours bonne fille, et pour filer un petit coup de main, à trouver le meilleur des spin doctors. Un conseiller communication hors pair. Un tas de gens sur la Terre vous posent parfois des questions. De quoi vous mettre en colère ? Vous leur chantez ma chanson. Question posée par Adhémar de Tête-en-Pointe, 15 ans et demi, à son père, Godefroy de Tête-en-Pointe. Papa, une chose m'inquiète, j'ai embrassé dernièrement notre petite bonne Marinette qui m'a dit en rigolant « Votre père sait mieux y faire et chaque fois me donne 50 francs. Faut-il que je demande à petite mère ce que veut dire ce boniment ?»« Mon fils, t'as 15 ans et demi, eh bien retiens ceci. Quand les andouilles voleront, tu seras chef d'escadrille. Quand elles auront des éperons, tu seras chef d'escadron. » Question posée par Onésime Dumou, natif de Brive-la-Gaillarde, le jour de son mariage avec Félicita Paulard. Monsieur le maire, faut que je vous cause, tout à l'heure vous avez dit que la femme en tout état de cause devait suivre partout son mari. Je suis de nature congestive et faut que je prenne fréquemment de la limonade purgative. Faudra-t-il qu'elle me suive tout le temps ? Tu vas faire un drôle d'époux, mais ce que je crois surtout, quand les andouilles voleront, tu seras chef d'escadrille. Quand elles auront des éperons, tu seras chef d'escadron. Question posée par Madame Chaud de la Pince, veuve inconsolable à son tondeur de chien. répondeur, il faut que je vous demande, vous coupez quelque chose aux chiens. Et beaucoup de gens prétendent que ça les conserve bien. Alors à remords me hante, mon mari serait venu à temps pour cette opération savante, peut-être qu'il serait encore vivant. Dis donc, petite mère, tu me charries, mais veux-tu mon avis? Quand les andouilles voleront, tu seras chef d'escadrille. Quand elles auront des éperons, tu seras chef d'escadron. Tagadag, tagadag, tag, tag, tag, ron, ron, ron, plan, plan. Question posée par le jeune Nicodème Cul d'Oiseau, nouvelle recrue au camp d'aviation de Fricando sur Baloche. Adjudant, faut que j'exécute cet exercice en avion. Je dois me lancer en parachute et je viens prendre vos instructions. Est-ce que c'est dans l'atmosphère que je dois l'ouvrir en grand ou seulement quand je serai à terre pour ne point l'abîmer avant? J'ai déjà vu des abrutis, mais toi t'as le premier prix. Quand les andouilles voleront, tu seras chef d'escadrille. Quand elles auront des éperons, tu seras chef d'escadron. Quand les andouilles voleront, une petite perle du fantaisiste Georgius interprétée en 1936, parce que paraître con, ce n'est pas si simple, comme de l'expliquer le divin Coluche. Je suis l'andouille qui fait l'imbécile, avoir l'air con peut être utile, l'être vraiment serait plus facile. Alors maintenant, la clepsydre du Mangin Palace nous indique qu'il est précisément 11h21 et après avoir essayé de déceler comment l'idiotie peut devenir un excellent levier de gouvernance, il est temps désormais de te démontrer, contrairement aux idées reçues, qu'aujourd'hui, la télévision demeure un bastion solide contre la connerie. Oui mon ami, quête du sens et intelligence constituent les deux pilastres qui soutiennent ton chapiteau corinthien 16-9e. Tu n'ignores point que l'art du poncif est une pratique idiote. Entre 1850 et 1890, le facétieux Gustave Flaubert rédigea le Dictionnaire des idées reçues. Consulter cet ouvrage, c'est entreprendre un joyeux voyage au cœur d'une encyclopédie de la bêtise humaine, avec laquelle Flaubert régalait Bouvard et Pécuchet. C'est ainsi, par exemple, qu'il définit la Bible comme le livre le plus ancien du monde, les Bretons comme des gens braves mais tous entêtés, la police comme ayant toujours tort ou les imbéciles comme ceux qui ne pensent pas comme toi, une compilation de vérités toutes faites et stupides. Eh bien, parions que si la télévision avait existé au temps de Flaubert, il y aurait consacré une définition, bien sûr, qui peu ou prou nous aurait appris ceci. Progrès de la modernité destiné à l'abrutissement des masses. Oui, dire aujourd'hui que la télévision n'est plus qu'un concentré de crétinerie, c'est aisé, mais surtout, c'est un foutu lieu commun. Mais que nenni, car en réalité, tu n'imagines pas combien les patrons de chaînes se creusent réellement la cervelle pour découvrir de nouveaux talents dévoués à leur programme télévisuel. Je procède également à des tests dits de quotient intellectuel, et notamment avec les gens du show business, ce qui est étonnant parce que, en général, c'est assez décevant, oui. Mais ça me permet quelquefois de leur donner quelques petits conseils d'orientation professionnelle. Tenez, j'avais une amie, dont je tairai le nom, secret professionnel oblige, qui vint me voir et qui me dit « J'ai envie d'enseigner les mathématiques appliquées. » Je lui dis « Non, Sheila, tu as une grosse flaque d'eau dans le cerveau. On l'entend quand tu tousses. Essaye plutôt la chanson. » Elle a eu son petit succès dans les années 60. Merveilleux enfant. Vous savez, on me parle souvent de l'intelligence d'Albert Einstein. Je rigole, hein, parce que elle est toute relative. Eh oui, E égale M6. C'est moi qui ai eu l'idée, hein. Tout ça, c'est parce qu'il a des chouettes cheveux et un gros cul, voilà. Oui, la télévision est un laboratoire d'avant-gardistes, toujours à l'affût d'expériences nouvelles, multipliant les productions audiovisuelles dans l'unique but, bien entendu, de rassurer notre société qui doute de sa propre intelligence. Souviens-toi par exemple de ce programme salvateur grâce à qui nous nous sentions soudainement beaucoup moins cons. Le culte du loft, c'est tout de suite sur M6. C'est ingénu. Ingénue, il y a génie. Ah, et un, c'est le contraire, non? Moi, je sais pas. Et après, ingénieur. Ouais, après, il y a le mot dans ingénieur. Pour moi, c'est le contraire. Pour moi, c'est être intelligent. Mais peut-être que t'as raison, on va regarder dans le dictionnaire. Tim, T-H-Y-M, c'est quoi du teint? Putain! Tim! 62. Assassinat de John Kennedy. Non, 1962. Guerre d'Algérie. Indépendance de l'Algérie. Indépendance. 62. Indépendance de l'Algérie. 1962. Indépendance de l'Algérie. Très bien. L'indépendance de l'Algérie, elle s'est faite en quelle année? 63. Alors qu'on reproche à la télévision d'abrutir les masses, comment ne pas reconnaître que devant une telle désolation de conneries, l'ego de la ménagère ne peut être que flatté? Résultat, dans la période qui précédait la télé-réalité, la ménagère doutait d'elle-même. Parfois, elle s'angoissait devant les redoutables questions de Julien Lepers. Mais désormais, dans une ère post-loftienne, elle a repris confiance en ses capacités intellectuelles. C'est formidable, bon sang. D'autant que nous allons bientôt franchir une nouvelle étape dans la lutte contre l'idiotie dans la lucarne. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour. Alors c'est vrai, ils vont enlever la publicité? Oui, sur France Télévisions, monsieur. Mais alors comment on va faire? On va pas savoir ce qu'on doit acheter, comment on va faire? Mais il faut regarder les autres chaînes de télé, monsieur. Ah d'accord, on va faire ça, on va regarder les autres chaînes, chérie. Bah, sinon, nous, on sait pas comment remplir notre caddie. Ça nous dit pas ce qu'il faut acheter. C'est vrai. C'est vrai, hein? Madame. Oui? Vous connaissez l'histoire de la conne qui dit non? Non, je connais pas. Ah, vous êtes une femme Barbara Gourde. Ouais, c'est possible. Barbara Gourde, des femmes qu'on n'oublie pas. Attention à la marche. Remarque, avec de tels spots publicitaires, nous pourrions tolérer que le service public continue d'engranger de l'oseille avec la réclame. Car bien entendu, une fois la publicité disparue, c'est toute l'économie de France Télévisions qui se trouve menacée. D'ailleurs, cette semaine, à juste titre, les salariés de l'audiovisuel public se sont inquiétés d'une telle décision. Seulement voilà, Patrick de Carolis, le patron de France Télévisions, n'apprécie guère qu'on le prenne pour un jambon. Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui, monsieur. Allez, boulot et un peu vite! Résultat, avec l'intelligence d'un tel management, la grève fut interrompue et la diffusion a immédiatement repris ses droits dès le lendemain. Mais rassure-toi, hein, comme d'habitude, élégance et recherche du sens avant tout. En gros, ça ressemble à ça, la télé. Alors, Jean-Pierre Castaldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand, costaud, vous êtes encore bien pour votre âge, vous faites du cinéma, du théâtre. Et pourtant, la différence entre le théâtre et le cinéma, c'est que le théâtre, c'est l'instant présent, le cinéma, on le tourne et puis après c'est diffusé plus tard et on n'est plus dans le film quand c'est diffusé. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Vous êtes en train de me... On fait un film, quand un film oui. Il vous appartient du moment où vous le tournez jusqu'au jour où il sort. Mais d'accord, mais vous n'êtes plus dans le rôle, c'est ce que je voulais dire simplement. Ah, vous n'êtes plus dans le rôle, d'accord, et au théâtre quand on quitte le théâtre... Quand on quitte le théâtre, on n'est plus dans le rôle non plus. D'accord. Je veux dire, on rentre chez soi, on prend un bain, on se brosse les dents et on tire sa femme. Ah ben oui, cette semaine c'est tu es débile, mais avec Jean-Pierre Castaldi, on aurait aussi pu faire tu es classe. Enfin bon, pour celles et ceux qui nous traitent encore des bienfaits de la télévision contre la bêtise, nous allons maintenant sortir l'argument qui tue. Oui, nous allons te prouver immédiatement grâce au guignol de l'info que l'avènement de la télé-réalité a engendré l'apparition salvatrice d'une nouvelle catégorie d'analystes politiques brillantissimes. Démonstration juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse. Ouais, non, mais c'est la mode de taper sur Sarkozy. Mais faut aller voir un petit peu plus loin que le bout de ses pieds. Taille break, quoi. Le capitalisme, c'est pas non plus amer à boire. Il en faut. Ils veulent quoi, les gens? Le communisme? Le marteau, les sourcils? Alors moi, je suis désolé, mais au Japon, ça n'a pas marché. Alors, on n'est quand même pas plus mauvais que les Japonais. Eh oui, probablement. Non, je voyais pas ça comme ça. Mais... Moi, ce qui me choque, bon, à part quand tu les animaux, je veux dire, eh ben carrément, c'est qu'il faut réagir, se retrousser les coudes. Faut se manier, quoi. Sinon, si on fait rien, moi, je vous le dis, on va se retrouver avec la crise du 29 et on est déjà le 12. C'est ça qu'il dit, Sarkozy. Eh ben ouais, ouais. Alors, avant de critiquer bêtement, faut un peu ouvrir ses orteils et écouter Sarkozy. Eh ouais, l'immigration, ça existe. Et l'identité nationale, ça existe, obligé. Alors, pourquoi on n'en parlerait pas? Oui, mais associer immigration et identité nationale, c'est une façon de dire que l'immigration menace cette identité, non? Ouais, mais non, mais c'est pas ça. Si tu regardes bien, t'as un immigré qui arrive. Bon, c'est normal qu'il sache la Marseillaise quand même. C'est quand même grâce à cette chanson qu'on a gagné l'Eurovision en 1789. Ah ben ouais, ah ouais. Ouais. Vous la savez, vous, la Marseillaise? Non, mais moi, j'ai pas besoin, je suis français. Ok. Donc, pas choqué qu'on montre du doigt les immigrés pour tout et n'importe quoi? Mais moi, je vais te dire franchement, y a rien qui me choque. Attends, mais regarde en Afrique. T'as pas de politique d'immigration, que je sache. Eh ben, les Noirs, ils y sont rentrés en pagaille. Eh ben, maintenant, en Afrique, eh ben, y a plus que des Noirs. Eh ben, bravo le résultat. Y a plus d'eau, c'est la misère. Y a pas de croissance, du chômage obligé. Mais c'est obligé. Eh ouais, y a pas le choix. Mais ça peut pas arriver en France. Ouais, mais non, mais n'essayez pas de me faire lire ce que j'ai dit. C'est pas ça. En France, on est à l'abri. On a de l'eau, on a Contrex, Evian, Vittel. En gazeuse, on a San Pellegrino. Alors, forcément. Mais comment y faire, Ruquier? Eh bien, merci, Stevie Boulet. Sometimes I flow staccato. Trip you up vibrato while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not meant to fall in, but I'll let you play them anyway. Sometimes I flow staccato. Strip you up vibrato while you be acting macho. I try and switch it up. Games you play and the traps you lay, not fit to fall in, but I'll let you play them anyway. Sit, hear the clock tick, watch the leaves on the plant flick from the fan above the room and I lit. Head trip, deliberate, cease fighting the feeling and submit, flow with it like the path pre-existing, hidden codes masonic, they peep us like a webcam from the pyramid's attic, pass from hand to hand, let's say coincidence, or better yet sixth sense, my instincts telling me to back up from that handshake that was intense. My instincts telling me to back up from that handshake that was intense. Brush it off and commence, blame it on myself tripping till the shit hits the fan, cause I steer from the plan, about face and Billie Jean step into place, throw my coat on the hook, recap the time that I waste. I know that spitting's a bad habit, but I can't help the taste. Still searching for the clues as it becomes a cold case. Procrastinator, till I think to remove the sheet from your face. Reveal the naysayer, say yeah, say yeah, say yeah. Sometimes I flow staccato, strip you up vibrato while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not meant to fall in, but I'll let you play them anyway. Sometimes I flow staccato, strip you up vibrato while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in, but I'll let you play them anyway. The Games You Play, autrement dit les jeux auxquels tu joues, proposés par le Frenchie Wax Taylor. Parce qu'évidemment, comme le disait Henri III, le jeu le plus con, c'est le bokeh. Le débile bokeh, bien sûr. Alors, afin de poursuivre cette émission farfelue qui baigne ce matin dans la débilité, la panique au Mangin Palace a décidé de se rendre maintenant à 11h33, dans la capitale mondiale de notre sujet, à savoir Neuilly-sur-Seine. Car la campagne pour les élections municipales y a pris une étrange tournure le week-end dernier. Ah, quel grand jour! C'était samedi, fête à Neuilly. Ah, vivement qu'y revienne la fête à Neuilly. Qu'on finisse la semaine en rigolant un peu. Vivement qu'on parte bras dessus dessous pour aller manger des tartes et des roudoudous. Sur les autos, loin du boulot, on s'en paye une bonne tranche. Et c'est ainsi, loin des soucis, qu'on passe un bon dimanche. Et toute la semaine, on en rêve à deux. Ah, vivement qu'y revienne la fête à Neuilly. Oui, en effet, Maurice. Depuis une semaine, c'est comme jamais la fête à Neuilly. Résumons les épisodes précédents. En septembre dernier, Nicolas Sarkozy décide que David Martinon sera son successeur à la mairie de Neuilly, et cela sans aviser la tribu locale UMP. Résultat, le parachutage de David Martinon est plutôt mal accueilli. On critique même son parcours politique. Alors de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances. Les gens bien, et les terroristes parachutistes. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tueries, plus de combats, que vas-tu faire? C'est fini, le travail d'artiste, parachutiste. Sauf que le parachuté David Martinon, après avoir regardé sur Mappy où pouvait bien se trouver Neuilly, s'est rendu sur place. Bon là, personne n'est venu lui serrer la main, mais ça David, ça ne l'a pas dérangé. La discrétion des Neuilliens, je dirais même leur pudeur, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que moi je suis très exposé et ici les gens sont gentils, ils sont accueillants, ils sont cordiaux. Des habitants de Neuilly accueillants, sans doute, mais pas autant que l'homme du président l'avait peut-être espéré. Carrément débile, je trouve pas mon style. Carrément débile, je trouve pas mon style. Et en effet, David Martinon n'a pas trouvé le bon ton pour parler aux Neuilliens. C'est ainsi que la semaine dernière, il a été victime d'un véritable coup d'État mené par Arnaud Teulet, celui-là même qui était pressenti pour succéder à Sarkozy à Neuilly, avant que Nicolas ne décide d'y envoyer Martinon. C'est ainsi qu'Arnaud Teulet, accompagné d'une dame, là, histoire d'eux, et surtout de Jean Sarkozy, ont constitué un sublime trio pour assaillir la mairie de Neuilly. Et figure-toi qu'ils ont fignolé leur programme. Bon, vu le volume musculaire, pas besoin de dire qu'on est de la sécu. Hein, on a créé une société de gardiennage spécialisée dans la bagarre, la sécurité rapprochée des personnes et des biens. Tous les deux, je dirais, on forme le trio idéal, hein, tant en efficacité qu'en bagarre. Rapidité. Hein. Nous avons, je dirais, officiers dans des établissements de nuit. Nous, ce qu'on aime avant tout, hein, c'est... La bagarre. L'ordre et les petits tubes. Enfin, ça, c'est, c'est autre chose. Donc, si vous avez besoin de... La bagarre. Nos services, contactez-nous. La bagarre bat donc son plein à nuit. Arnaud Teulet a commandé en loose day un sondage montrant que Martinon pouvait perdre face au candidat d'hiver droite renégat. Et puis... Jean Sarkozy, celui-là même qui avait juré de soutenir à mort David Martinon, eh ben il mouille désormais la chemise pour renverser son ancien patron. C'est une ville qui a une personnalité très forte et une identité très forte. Et c'est la raison pour laquelle elle demande des gens qui y sont attachés profondément, qu'elle connaît, dans lesquels elle a confiance. C'est lui. Le grand blond avec une chaussure noire. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le 9 mars, on a un rendez-vous. Oui. Ensemble. Oui. Et vous nous faites confiance. On est trois ici. Voilà. Vous êtes trois ici. On est des Neuilliens. Je le sais, mais pourquoi... Et on vous demande de nous faire confiance. Moi, je ne voterai pas Martinon, ça c'est sûr. Ah ben nous non plus, hein, nous ça tombe bien. Nous non plus, monsieur. Allez. Face à cette terrible cabale, une blague de blonde quoi, Patrick Devedjian, le secrétaire général de l'UMP, a reçu en privé David Martinon, venu lui demander conseil. Revenir ou disparaître définitivement, que feriez-vous à ma place, hein, vous qui êtes un homme de bon sens? Je disparaîtrai définitivement. Comme ça? Comme ça. Dînez-vous, vous avez besoin d'espace, d'évasion. Oui. Faites partie de la race des coureurs de prairies. Ah oui, des grands fauves, c'est vrai. Je vois très bien sur les routes, allant de ville en ville. Ah, et de port en port, la peau boucanée par le soleil. Vous riant de la soif et de la faim. Ah, faisant l'amour comme des bêtes affolées par les feux de la savane. Je viendrai chercher mes valises demain. Hein? Pourquoi attendre? Ah, oh, bon, ce soir, vous croyez? Merci, je cherchais une main fraternelle. Bon, une main même fraternelle, ça peut mettre des bourre-pifs. Et le soir même, David Martinon s'est donc retiré de la course électorale neuilléenne. Mais pourquoi tout ce lynchage? Les mauvaises langues évoquent la grande proximité de M. Martinon avec Cécilia, l'ex-première dame de France. Mais bon là, il n'y a pas de preuves, pas de texto, juste un message sur un répondeur. Toutes les semaines, ses amis et lui font ce qu'ils appellent un dîner de cons. Ils invitent le type le plus con possible pour se payer sa tête toute la soirée. Allô? Allô? Allez, en route! Allez, votre porte-document. Le dîner de ce soir, c'était quoi exactement? Mais je vous l'ai dit, un dîner d'amis à qui j'ai parlé de vos travaux. Bon, allons-y maintenant. Et il y avait d'autres invités? Oui, bien sûr, on pourrait pas parler de tout ça dans l'ascenseur. C'était quel genre d'invité? Ça veut dire quoi, cet interrogatoire? Rien, je vous demande seulement comment vous choisissez vos invités. Est-ce que vous m'avez invité à un dîner de cons? Mais non, allez. Pourtant, quand il apprend qu'il vient d'être complètement lâché par tous ceux qui l'avaient poussé à aller à Neuilly, David Martinon a immédiatement donné à Nicolas Sarkozy sa démission de porte-parole de l'Élysée. Faut pas me prendre pour un con, faut surtout pas me prendre pour un con. Faut que je garde sur table avec moi, faut pas me prendre pour un con. Hein. Parce que moi je sais plein de choses. Moi. Hein? Je sais, trafic, tu vois, combine. Alors ça, moi, je peux me casser dans ces cas-là. Ah, faut pas me prendre pour un con. Mais c'est trop con, la démission de David Martinon n'a pas été acceptée. Pourtant, son départ forcé de la course à la mairie, ça n'a pas calmé les embrouilles à Neuilly. En effet, lundi dernier, nouveau coup de théâtre. L'UMP a choisi d'investir Jean-Christophe Fromentin, le candidat d'hiver droite jusqu'alors combattu. Et là, Arnaud Tellet, le tombeur de Martinon, il n'en revient toujours pas. Qu'a-t-il de plus que moi? Je me le demande chaque fois. Tient-il un amour? Souvenirs sur ma route qui se fanent dans le vent. Ainsi, le vent de la discorde souffle donc toujours sur Neuilly. Le candidat envoyé par l'Élysée a été trahi par un candidat lui-même trahi, puisque c'est l'ancien traître qui est devenu candidat officiel. Bon, depuis quelques jours, Jean Sarkozy s'est tu, Arnaud Tellet, lui, est entré en résistance, et Nicolas Sarkozy a demandé à tout le monde de se calmer. Et David Martinon, alors? Eh bien, il a attendu que le président rentre de son voyage en Guyane pour s'expliquer avec lui. Et quand t'es rentré à Paname, super fier de ton bronzage, t'as pas voulu poser tes rames sur le rivage. C'est une image, tu m'as téléphoné 100 fois pour que je passe te voir à Neuilly, dans ton pavillon près du bois. Et j'ai dit oui, et j'ai dit oui. Je suis venu un soir à ta surboom avec 23 de mes potes. On a piétiné tes loukoums avec nos bottes. Voilà, David Martinon se serait donc fait 23 potes à Neuilly, ce qui n'est pas si mal, mais trop peu pour être élu maire, bien sûr. Tu me diras, 23, c'est également le nombre d'électeurs qu'espère convaincre Lucienne Buton, la candidate PS à Neuilly. Car tu ne le sais peut-être pas, mais dans cette ville, on trouve aussi de parfaits gauchistes. Eh hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier mal paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du coin, ni un euro marché. Auteuil, Neuilly, pas si tel est notre ghetto. Eh hey mec, mon nom à moi c'est Hubert Valéry Patrick Stanislas, duc de Montmorency. À 5 ans et demi, j'avais déjà ma Ferrari. Je pouvais pas la conduire, bien sûr, j'étais trop petit. As-tu saisi mon pote, notre envie de révolte? J'ai envie de crier zut. Flûte, crotte, chien. Auteuil Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil Neuilly Passy, tel est notre ghetto. Salut, tu vas bien? Salut, tu vas bien? Y'en a marre du fauchon, du hédien, du saumon, du caviar. Salut, c'est Patrick, l'appareil. Ouais, c'est Pat, tu vas bien? Et moi, tu ne sais pas quelle est ma vie. À côtoyer Chantal ou bien Marie-Sophie. À faire le baisement à des pétasses mal baisées. Enfin, j'ai voulu dire des filles un peu coincées. Je veux être un voyou, vrai de vrai hors la loi. Mais quand t'es né ici, vous n'avez pas le choix. Y'en a marre des Mylène, Ségolène, des Sylvine, Gwendoline, Églantine, Marie-Chantal. Y'en a marre, mon frère, on a de gros problèmes. Y'en a marre, mon frère, de subir le système. Mon avenir à moi est déjà tout tracé. Boîte privée, Sciences Po, l'ENA ou HEC. Et dans le pire des cas, si je ne travaille pas, faudra que je reprenne la boîte de papa. Salut, tu vas bien? Auteuil-Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly Passy, tel est notre ghetto. Puis mec, nous sommes tous les produits d'une société économique dépendante des fluctuations boursières qui déstabilisent le marché. Oui mec. Et pour sortir de ce carcan éducatif capitaliste, il faut savoir dire non, non, non mec. Salut, tu vas bien? Auteuil-Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly Passy, tel est notre ghetto. Auteuil-Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly Passy, tel est notre ghetto. Auteuil-Neuilly Passy, une périphérie parisienne à peine revisitée par les inconnus. Nous étions en 1991. Ainsi, nous pouvons constater qu'en 15 ans, la vie des quartiers difficiles n'a pas beaucoup changé, malheureusement. Mais bon, nous verrons si désormais Auteuil-Neuilly-Passy bénéficie des bienfaits du plan banlieue. Alors maintenant, afin de prolonger nos aventures au pays merveilleux des butors et des bêtas, il est grand temps, à 11h45, de retrouver nos deux génies abrutis, les sympathiques Jean-Claude et Monique. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, nous allons nous plonger au cœur de leur jeunesse, une période qui fut difficile à traverser, notamment pour le Jean-Claude. En effet, à l'aube des années 60, à l'heure où certains imbéciles pensaient que les cheveux longs étaient synonymes d'idées courtes, Jean-Claude, lui, s'apprêtait à faire son entrée au collège Paul Deschanel. Seulement voilà, en septembre 1961, sa mère fut convoquée par le directeur de l'établissement scolaire. Votre fils est différent. Il a seulement un QI de 75. Et alors, nous sommes tous différents? L'État exige un QI minimum de 80 pour entrer à l'école publique. Il faut qu'il aille dans une école spéciale. Il y sera très bien. Qu'est-ce que le mot « normal » veut dire? Enfin, il est possible que mon fils soit un peu lent. Mais mon fils aura exactement les mêmes chances que les autres enfants. Je ne le laisserai pas dans une école spéciale où on lui apprendra à réchapper les pneus. Oui, c'est ainsi, mais dans sa jeunesse, les tests de QI du Jean-Claude ne furent point mirobolants. Cela dit, Jean-Claude est l'incarnation vivante qu'on peut commencer Rio dans la vie et devenir ensuite le héros d'une émission de radio sur une antenne nationale. Comme quoi, il faut parfois se méfier des institutions. 20 ans plus tôt, François Truffaut lui aussi fut un redoutable cancre. Toujours est-il que la mère du Jean-Claude parvint tout de même à le faire inscrire au sein d'un établissement scolaire classique. Seulement voilà, plus tard, au lycée, face aux colibés de ses camarades dans la cour de récré, Jean-Claude ne fut pas dupe sur ses capacités intellectuelles. Il paraît que je suis pas normal. Mais ça veut dire quoi, normal? C'est quand même pas de ma faute si je bats pas que sur moi. C'est moi l'idiot du village. Je cope toutes les mouches que je trouve pour m'empêcher de faire le con. On file des cachetons. Quand j'étais petit, j'étais un abruti. Maintenant que je suis grand, je suis toujours aussi grand. Je voulais être président. Je suis devenu le roi. C'est moi le roi des glands. Après avoir péniblement décroché son bac en juin 1968, mais bon, cette année-là, tout le monde l'a eu, Jean-Claude a bien senti que les études supérieures lui poseraient sans doute problème. C'est pourquoi, très vite, convaincu que les voyages forment la jeunesse, Jean-Claude a pris la route direction l'Allemagne, à Baden-Baden, très précisément. Quel est ton seul et unique but dans cette armée? Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur. Putain de merde, t'es un putain de génie! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue. Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160. T'es un putain de merde de deuxième classe doué. Écoutez-moi, les mecs. Je sais pas pourquoi je me suis trouvé à l'armée comme un poisson dans l'eau. C'est pas très difficile. Il faut juste faire son lit au carré et se tenir bien droit. Et répondre à toutes les questions par « Oui, sergent instructeur ». Est-ce que c'est clair? Oui, sergent instructeur! Après 24 mois d'armée outre-Rhin, le première classe Jean-Claude revient en France et commence alors une série de petits boulots, jusqu'à ce qu'il participe activement à la création des jeunesses giscardiennes. Ah ben oui, du coup on comprend mieux. Mais encore une fois, Jean-Claude fut l'objet de railleries quant à la pertinence de ses choix politiques. Tu vas à la messe tous les dimanches matin pour que Dieu te pardonne d'être casse-couille tout le reste de la semaine. Bah t'es con, con, con. Bah si t'es con, con, con. Tu laisses passer tes chaussettes Lacoste au-dessus de ton survêtement pour que les gonzesses, elles croient que t'es un riche. Bah t'es con, con, con. Bah si t'es con, con, con. Con, con, con. Con, con, con. Excédé de passer pour un abruti et très affecté suite à la mort de Claude François en mars 78, Jean-Claude pensa mettre fin à ses jours. Mais au mois d'août de la même année, Tout comme Jim Morrison rencontra par hasard Ray Manzarek sur la plage de Venice Beach à Los Angeles, Jean-Claude, sur la plage de Palavas-les-Flots, fit une rencontre qui allait changer le cours de sa vie. Raymond Manzana, le claviériste d'un groupe local, qui allait alors lui ouvrir les portes du trésor public, enfin, les dorses de la perception, quoi. N'oubliez pas que selon ma théorie, vous n'êtes pas un idiot, vous êtes un imbécile. Ah, c'est pas pareil. Ah non, c'est très différent. Un idiot, c'est un crétin. Tandis qu'un imbécile, c'est quelqu'un d'intelligent. Au sens clinique du terme, bien sûr. Immédiatement, les deux lascars se lièrent d'une franche amitié. Raymond Manzana décomplexa Jean-Claude et ce claviériste génial lui annonça que son groupe cherchait un chanteur pour une expérience punk, la musique à la mode à la fin des 70s. Le groupe s'appelait les Sex Pustules et très vite, Jean-Claude se sentit très à l'aise dans son nouveau statut de chanteur punk. Je pète, je rentre, rien ne m'arrête, car aujourd'hui j'ai la crête, c'est la salsa du quebon. Curieusement, le groupe débile du Jean-Claude ne rencontra jamais le succès tant mérité. Pourtant, un soir de concert, en juin 1984, dans une boîte parisienne, Jean-Claude, après le spectacle, fut soudain subjugué par cette femme installée au bar qui possédait l'œil vif du poisson mort. Oui, c'était Monique, et lorsque Jean-Claude s'est approché d'elle, la rencontre avec cette femme fut, comment dire, évidente. Je suis malheureuse parce que je suis tout le monde est con parce que j'ai raté ma vie. J'ai raté mon évolution spirituelle. Sous le charme de cette conne donc, Jean-Claude chercha immédiatement à rassurer Monique quant à sa propre intelligence. Ça tourne pas rond dans ma petite tête, des fois j'ai des drôles idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des tises. À son tour, éblouie par l'esprit vif du chanteur du Sex Pustule, Monique ne put résister longtemps au charme de cet imbécile. Embrasse-moi, idiot. Ensuite, en 1985, telle Yoko Ono, Monique fut en partie responsable de la séparation du groupe Sex Pustule, malheureusement pour l'histoire du rock français. Et depuis, comme tu le sais désormais, Jean-Claude et Monique vivent à Grosboule-les-Bains, bien heureux ou bien entendu, jeudi dernier, nos deux imbéciles ont célébré la Saint-Valentin, dîner durant lequel Monique a démontré qu'elle est un peu moins débile qu'auparavant. Le soir où nous nous sommes rencontrés, il y avait notre monde qui était plongé dans le noir parce qu'il n'y avait pas le moindre rouge-gorge. Les rouges-gorges symbolisent l'amour. Je voyais ces inquiétantes ténèbres qui persistaient très très longtemps. Et tout à coup, des milliers de rouges-gorges s'envolaient pour monter dans le ciel, éclaboussant notre monde d'une lumière qui faisait renaître la vie. Alors j'ai compris que les rouges-gorges apportaient le bonheur aux hommes. Tu es quelqu'un. Toi aussi, tu sais. Tu es quelqu'un. Mais quelle merveilleuse histoire d'amour. Aujourd'hui, les innocents Monique et Jean-Claude vivent heureux de leur passion intacte. Sais-tu d'ailleurs que le monde entier les envie sauf peut-être le frère de Monique, qui visiblement n'a toujours pas digéré qu'on choisit ses copains, certes, mais rarement sa famille, évidemment. On choisit ses copains, mais rarement sa famille. Bien gonce, mine de rien, qui a marié ma frangine. Depuis c'est mon beau-frère, alors faut faire avec. Mais c'est pas une affaire, vu que c'est un sacré pauvre mec. Mon beauf, il lui a fait quatre gosses pour toucher les allocs. Il fait le coup de la nuit de noces dès qu'elle est plus en cloque. Cette espèce de trou duc qui a fait 10 ans de légion, ses mômes il les éduque à grands coups de ceinturon. Il a costard à carreaux, des moustaches, une casquette et des pompes en croco. Il se prend pour un vrai mec, mais il craint un petit peu. Pour tout dire, il est presque à la limite du hors-jeu. Mon beauf, à chaque fois qu'il culbute une collègue de bureau, ou qu'il va se faire une pute, ce ringard, ce blaireau, il dit que c'est pas trompé, que c'est juste pour l'hygiène, mais que si sa femme l'imitait, il la sommerait à coups de beigne. Le jour où les cons sont cuisiniers, c'est lui qui préparera les sauces, mon beau. Mozart du Walkman, et puis dans sa R16, y a la CB, tu penses. 73 la station, tête d'honneur en fréquence. Mon beauf, dis bonjour la culture, il est hachement balèze. T'as qu'à voir ses lectures, ça casse des barreaux de chaise. VSD Paris Match, et puis télé 7 jours. Puis bien sûr, chaque année, il s'offre le prix Goncourt. Le jour où les cons à droite, il y a peut-être une chance, il vote à gauche. Mon beauf, il adore les animaux, là un berger allemand qui protège ses bibelots, son petit appartement. Il l'emmène à la chasse, flinguer les petits oiseaux, parce que ce gros dégueulasse, il taquine le moineau. Mon beauf, mon beauf, on choisit ses copains, mais rarement sa famille. Y'a un gonze mine de rien qui a marié ma frangine. Il est devenu mon beauf, un beauf à la cabu, imbécile et facho, mais heureusement cocu. Quand le soleil brillera que pour les cons, il aura les oreilles qui chauffent. Mon beauf. Mon beauf, une pièce rapportée à l'intelligence fulgurante que nous présentait Renaud en 1981. Mais bon, personne ne choisit son beauf. Pour François Mitterrand, par exemple, c'était le commissaire Navarro. Et pour Valéria Bruni-Tedeschi, ben, désormais, son beauf, c'est le président Bling Bling. Alors, nous voici donc arrivés au terme de nos débiles péripéties dans le monde de l'idiotie. De la tête pleine d'eau à la cervelle de moineau, des neneuilléens au gros boulet et de Stevie Boulet au roi des crétins, nous t'avons offert un panorama totalement incomplet et complètement subjectif de ce que peut être l'univers de la nigauderie et de l'imbécilité. Pour finir, et pour rester dans l'esprit, la panique a eu cette semaine quelques idées de génie. En effet, nous sommes prêts à accueillir ici de fins esprits récemment placardisés, histoire de pas gâcher. Primo, nous proposons au malheureux David Martinon de devenir le porte-parole bénévole officiel du Mangin Palace avec un point presse tous les matins à 11h. Pas de commentaires. Ensuite, pour gérer le budget café viennoiserie, nous avons pensé à Jérôme Kerviel, histoire d'avoir du rab tous les jours. En revanche, il est hors de question d'accueillir ici la péricole, car elle est bien trop maligne pour nous. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, mon Dieu. C'était Suzy Delair dans un opéra bouffe d'Offenbach, parce qu'il n'y a rien de mieux que Delair contre la bêtise. Voilà, fin du 108e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi être débile, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode archi-loufoque et total foutraque, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite, c'est les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique d'Anne-Laure Cochet et de Loïc Frapsos. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci, Flora. Merci aussi à Sarah Fleury ainsi qu'à Claire-Sophie Coulet, nos deux stagiaires. Pour les Scuds et toutes ces trouvailles,